Le porte-parole du comité Nord pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a lancé le 16 un entretien. En voici le résumé. À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 15 juin, le comité commun national du 15 juin a tenu à la mi-mai passé la réunion présidentielle du Nord, du Sud et d'Outre-mer et y a convenu d'organiser solennellement cette année à Gaisson des cérémonies communes nationales du 15 juin, avant de le rendre public dans l'intérieur et l'extérieur du pays. Mais la bande de Pakuné, qui s'opposait dès le début à la réunion présidentielle en question, a refusé la participation à la réunion des délégués du comité sud du 15 juin et estimé criminels à tort et à travers leur participation audacieuse à la réunion tout en leur infligeant même une amende. De plus, les autorités sud-coréennes n'ont pas autorisé la visite au nord de la délégation du côté sud du 15 juin, qui avait revendiqué la participation aux cérémonies communes nationales du 15 juin prévues à Gaisson. L'attitude de la bande de Pakuné est un crime impardonnable, reflant grossièrement le vœu et l'aspiration ardente des compatriotes à la réunification à l'encontre du courant de l'époque, et aussi le refus ouvert des accords intercoréens. Maintenant, en Corée du Sud, déferle la campagne anti-réunificatrice qui évoque l'époque de la dictature fasciste rénovée où celui qui porte à la bouche le mot réunification est emprisonné et condamné à des peines sans merci, alors que le contact avec compatriotes et le va-et-vient sont aveuglément interdits comme toujours, ce qui est une situation anormale. La réalité montre clairement que c'est la bande de Pakuné qui s'oppose à la réconciliation et l'union, à la paix et à la réunification de la nation en précipitant les rapports intercoréens aux catastrophes. Le comité commun national du 15 juin se solidarisera fermement avec toutes les formations de l'intérieur et de l'extérieur du pays en portant plus haut la bannière de la déclaration commune Nord-Sud et repoussera le défi des forces sécessionnistes pour inaugurer à tout prix une nouvelle ère de la réconciliation et de l'union de la nation, de la paix et de la réunification, une seconde époque de la réunification du 15 juin.